À l'arrêt du bus, de la place de l'église, je guettais du terminus, le 6h46. À l'arrêt de la chapelle, où montait une demoiselle, on était jeune, elle était belle, et moi je n'avais Dieu. Je croyais mordicus qu'elle était ma terre promise. Contre le temps et les heures, avoir 12 ans est un leurre. Et même si le printemps se meurt, les expériences d'antan à jamais demeurent. C'était les premiers rencarts, mes premiers mots d'amour, mes premiers égards. C'était le premier regard qui s'arrête au contour, le premier panard. C'était ma première histoire qui avait vu le jour, le premier chambard. C'était mes premiers cafards, ce que le mot toujours te fait broyer. Accompagné d'Angélus, ceux de la place de l'église. On était déjà des rebelles, on rêvait déjà de bagatelles, et d'après-midi coucher au soleil. Aujourd'hui c'est ce dont je me rappelle.